Chapitre 1 Des essais de montagne, livre 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Essai par Michel Eugène de Montaigne, livre 1, chapitre 1 Par divers moyens, on arrive à pareille fin. La plus commune façon d'amollir les cœurs de ceux qu'on a offensés, lorsqu'ayant la vengeance en main, ils nous tiennent à leur merci, c'est de les émouvoir par soumission à commisération et à pitié. Toutefois, la braverie, la constance et la résolution, moyens tout contraires, ont quelquefois servi à ce même effet. Édouard, prince de Galles, celui qui régenta si longtemps notre Guyenne, personnage duquel les conditions et la fortune ont beaucoup de notables parties de grandeur, ayant été bien fort offensé par les Limousins et prenant leur ville par force, ne peut être arrêté par les cris du peuple et les femmes et enfants abandonnés à la boucherie, lui criant merci et se jetant à ses pieds jusqu'à ce que, passant toujours outre dans la ville, il aperçut trois gentilshommes français qui, d'une hardiesse incroyable, soutenaient seuls l'effort de son armée victorieuse. La considération et le respect d'une si notable vertu reboucha premièrement la pointe de sa colère et commença par les trois à faire miséricorde à tous les autres habitants de la ville. Scanderbege, prince de l'Épire, suivant un soldat des siens pour le tuer. Ce soldat, ayant essayé par toute espèce d'humilité et de supplication de l'apaiser, se résolut à toute extrémité de l'attendre, l'épée au poing. Cette sienne résolution arrêta sur bout la furie de son maître, qui, pour lui avoir vu prendre un si honorable parti, le reçut en grâce. Cet exemple pourra souffrir autre interprétation de ceux qui n'auront lu la prodigieuse force et veillance de ce prince-là. L'empereur Conrad III, ayant assiégé Guelph, duc de Bavière, ne voulut condescendre à plus douces conditions quelque vile et lâche satisfaction qu'on lui offrit, que de permettre seulement aux gentilles femmes qui étaient assiégées avec le duc de sortir leur honneur sauve à pied, avec ce qu'elles pourraient emporter sur elles. Et elles, d'un cœur magnanime, s'advisèrent de charger sur leurs épaules leurs maris, leurs enfants et le duc même. L'empereur prit si grand plaisir à voir la gentillesse de leur courage qu'il en pleura d'aise et amortit toute cette aigreur d'inimité mortelle et capitale qu'il avait portée à ce duc, et dès lors, en avant, traita humainement lui et les siens. L'un et l'autre de ces deux moyens m'emporteraient aisément, car j'ai une merveilleuse lâcheté vers la miséricorde et mansuétude. Tant il y a qu'à mon avis, je serais, pour me rendre plus naturellement à la compassion qu'à l'estimation, si est la pitié passion vicieuse aux stoïques. Ils veulent qu'on secoure les affligés, mais non pas qu'on fléchisse et compatisse avec eux. Or, les exemples me semblent plus à propos, d'autant qu'on voit ces âmes essayées et essayées par ces deux moyens en soutenir l'un sans s'ébranler et courber sous l'autre. Il se peut dire que de rompre son cœur à la commisération, c'est l'effet de la facilité, débonnaireté et mollesse, d'où il advient que les natures plus faibles, comme celles des femmes, des enfants et du vulgaire, y sont plus subjectes. Mais ayant eu à dédaigne les larmes et les pleurs, de se rendre à la seule révérence de la sainte image de la vertu, que c'est l'effet d'une âme forte et employable, ayant en affection et en honneur une vigueur mâle et obstinée. Toutefois, les âmes moins généreuses, l'étonnement et l'admiration peuvent faire naître un pareil effet. témoigne le peuple thébain, lequel, ayant mis en justice l'accusation capitale, ses capitaines, pour avoir continué leur charge outre le temps qui leur avait été prescrit et préordonné, absolu à toute peine. Pélopitas, qui pliait sous le fait de telles objections et n'employait à se garantir que requêtes et supplications, et au contraire, Epaminondas, qui vient à raconter magnifiquement les choses par lui faites et à les reprocher au peuple d'une façon fière et arrogante. Il n'eut pas le cœur de prendre seulement les ballottes en main et se départit l'assemblée, louant grandement la hautesse du courage de ce personnage. Dionysius le Vieil, après les longueurs et difficultés extrêmes, ayant pris la ville de Règle, et en celle le capitaine Phuton, grand homme de bien, qui l'avait si obstinément défendu, voulait en tirer un tragique exemple de vengeance. Il lui dit, premièrement, comme le jour avant, il avait fait noyer son fils et tous ceux de sa parenté, à quoi Phuton répondit seulement qu'ils en étaient d'un jour plus heureux que lui. Après, il le fait dépouiller et saisir à des bourreaux et le traîner par la ville en le fouettant très ignominieusement et cruellement, et en outre le chargeant de félonnes paroles et contumelieuses. Mais il eut le courage toujours constant, sans se perdre, et d'un visage ferme allait au contraire, ramant devant, à haute voix, l'honorable et glorieuse cause de sa mort, pour n'avoir voulu rendre son pays entre les mains d'un tyran, le menaçant d'une prochaine punition des dieux. Dionysius, visant dans les yeux de la commune de son armée, que, au lieu de s'animer des bravades de cet ennemi vaincu, au mépris de leur chef et de son triomphe, elle allait s'amollissant par l'étonnement d'une si rare vertu, et marchandait de se mutiner et même d'arracher Phuton d'entre les mains de ses sergents, fait cesser ce martyre et à cachette l'envoyait noyer en la mer. Certes, c'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme. Il est malaisé d'y fonder jugement constant et uniforme. Voilà Pompeius qui pardonna à toute la ville des Mamertins, contre laquelle il était fort animé, en considération de la vertu et magnanimité du citoyen Zénon, qui se chargeait seul de la faute publique et ne requérait autre grâce que d'emporter seul la peine. Et l'hôte de Sylla, ayant usé en la ville de Péruse de semblables vertus, n'y gagna rien, ni pour soi, ni pour les autres. Et directement, contre mes premiers exemples, le plus hardi des hommes et si gracieux aux vaincus, Alexandre, forçant après beaucoup de grandes difficultés la ville de Gaza, rencontra Bétis, qui y commandait, de la valeur duquel il avait pendant ce siège senti des preuves merveilleuses, l'or seul, abandonné des siens, ses armes, dépecées, tout couvert de sang et de plaies, combattant encore au milieu de plusieurs Macédoniens qui le chamaillaient de toutes parts et lui dit, tout piqué d'une si chère victoire, car, entre autres dommages, il avait reçu deux fraîches blessures sur sa personne, tu ne mourras pas comme tu as voulu, Bétis. Fais état qu'il te faut souffrir toutes sortes de tourments qui pourront inventer contre un captif. L'autre, d'une mine non seulement assurée, mais rogue et altière, se tient sans mot dire à ses menaces. Lors, Alexandre, voyant son fier et obstiné silence, a il fléchi un genou? Lui est-il échappé quelque voix suppliante? Vraiment, je vaincrai ce silence, et si je n'en puis arracher parole, j'en arracherai au moins du gémissement. Et tournant sa colère en rage, commanda qu'on lui perçât les talons, et le fint ainsi traîner tout vif, déchiré et démembré au cul d'une charrette. Serait-ce que la force de courage lui fut si naturelle et commune que, pour ne l'admirer point, il la respecta moins, ou qu'il l'estima si proprement sienne qu'en cette hauteur il ne put souffrir de la voir en un autre sans le dépit d'une passion envieuse, ou que l'impétuosité naturelle de sa colère fut incapable d'opposition. De vrai, si elle eût reçu bride, il est à croire que, en la prince et désolation de la ville de Thèbes, elle l'eût reçu, avoir cruellement mettre au fil de l'épée tant de vaillants hommes perdus et n'ayant plus moyen de défense publique, car il en fut tué bien 6 000, lesquels nul ne fut vu ni fuyant, ni demandant merci. Au rebours, cherchant qui ça, qui l'a, par les rues, à affronter les ennemis victorieux, les provoquant à les faire mourir d'une mort honorable. Nul ne fut vu si abattu de blessures qu'il n'essayait en son dernier soupir de se venger encore, et à tous les armes du désespoir consoler sa mort en la mort de quelque ennemi. S'il ne trouva l'affliction de leur vertu aucune pitié, et ne suffit la longueur d'un jour à assouvir sa vengeance, ce carnage dura jusqu'à la dernière goutte de sang expendable, et ne s'arrêta qu'aux personnes désarmées, vieillards, femmes et enfants, pour en tirer 30 000 esclaves. Fin du chapitre 1. Lu en Nouvelle-Écosse par Sandra. 2024.